Yeah. C'est pour Béton Sommor, lacrymo pour la tape volume Béton 1. Béton Sommor, lacrymo, volume 1, mixtape. Comment les gens ont changé? Aujourd'hui le temps passe tellement si vite. On est sans repère, tous déboussolés par le drame. Rapide sera la chute, il n'y a pas l'égalité des chances. Des femmes battues, tout part en coup. Plus belle la vie, Axe France 3. Que la vie est aussi belle, belle. J'ai voulu oublier quelques épisodes qui me donnent trop de peine. Mais c'est impossible, ma plume saine. Quand je regarde les étoiles tous les soirs, je pense à la mémoire de tous mes poches. Partie de tout et de rien. À ce qui paraît, on vient tous fous. Un peu comme Foufou, c'est bien normal. Quand le monde tourne à la normale, rappelle Capucine Van. Tellement que tout est différent, différent. Pour mieux prévenir que guérir, guérir. Le mieux c'est écrire, écrire et pas périr. Et pas périr. Écrire et pas périr. Pour mieux prévenir que guérir, guérir c'est écrire, écrire et pas périr. Et pas périr et pas périr et pas périr, frère. Le cœur brisé, on avance toujours la tête baissée. Malgré qu'on soit déjà blessé, on essaye tant bien que mal d'avancer. Est-il vraiment possible de modifier son avenir? Est-ce que c'est possible? On espère désespérément que le meilleur reste à venir. Des fois sans avoir fait des erreurs, des erreurs. Mais on pensait pas mériter le quart de ce malheur. Non, on nous a dit tellement d'horreur. Voilà. Qu'on a depuis bien longtemps perdu l'ensemble de notre honneur. Aujourd'hui j'rappe le malheur sans crier. Pourtant je sais que la vie s'éteint aussi vite que j'écrase les copes dans le cendrier. Tristes sont les jours quand les âmes partent. J'ai le cœur brisé quand je vois une mère de famille à la rue sans appart. Moulu, j'aurais voulu que tu vois ça. Quand on me veut écrire comme toi, j'entends tes conseils d'une voix sage. Je sais que j'ai pas toujours été à la hauteur. À la hauteur. Au ciel de là tu me vois, c'est pour ça que j'rappe avec honneur. J'ai le cœur brisé, du coup je ne fais que teaser car vous manquez. Je suis à bout, donc j'essaie de me hisser. Mais c'est dur, mon cœur en pierre ne met plus de sang dans mes artères. Je veux être fort, mais j'ai lâché mes haltères. Je préfère les pleurs, ça désaltère. Père, la terre est belle jusqu'à sa fin. On l'aura quitté d'ici là. Moi je trace ma route et je vois du monde dans mon sillage. Petit enfant si sage. Aujourd'hui 22 ans, je décris ma peine pour que tu la vois comme une image. Le cœur brisé, on avance toujours la tête baissée. Malgré qu'on soit déjà blessé, on essaye tant bien que mal d'avancer. Est-il vraiment possible de modifier son avenir? Est-ce que c'est possible? On espère désespérément que le meilleur reste à venir. J'en ai conscience d'avoir fait des erreurs, des erreurs. Mais on pensait pas mériter le quart de ce malheur. Non, on nous a dit tellement d'horreur. Voilà. Qu'on a depuis bien longtemps perdu l'ensemble de notre honneur. Le cœur brisé, on avance toujours la tête baissée. Malgré qu'on soit déjà blessé, on essaye tant bien que mal d'avancer. Est-il vraiment possible de modifier son avenir? Est-ce que c'est possible? On espère désespérément que le meilleur reste à venir. J'en ai conscience d'avoir fait des erreurs, des erreurs. Mais on pensait pas mériter le quart de ce malheur. Non, on nous a dit tellement d'horreur. Voilà. Qu'on a depuis bien longtemps perdu l'ensemble de notre honneur. Le cœur brisé, les yeux plissés, les poings crispés, mais reste quand même pisse. Et est-ce qu'il la peine même si c'est elle qui nous a pisté? Yeah, c'est mentalité corrosive, frère. Mentalité corrosive, 2011. Yeah, 31 Toulouse. Représente Danger 6K, Nuisi, Joe.